Ce fut un merveilleux combat quand vit et mort Luther. Par l'esprit la vie l'emporta, la mort rentra sous terre. L'écriture a prédit cela comme une mort l'autre mangea. En guignol la mort se changea, et beaucoup s'en